commencer, je tiens à présenter mes excuses à ma famille, à mes proches et à mes ex. Je regarde les parties de ma vie, j'ai été con dans cette séquence. Vous en avez souffert, aujourd'hui je paye les conséquences. Toutes mes erreurs passées, faites des greffes d'état passif. C'est votre amour que j'ai tabassé, connaissant tape et tabagisme. J'étais juste qu'un petit gamin qui font chicha et hachiche. Rien que des chiches à chier, maintenant je suis chicha en chier. J'étais j'kiff en ce temps et j'en ai des remords par centaines. Je repense à ma mère, je me remémore l'état de santé. Je vois à quel point j'étais con, renfermé dans mon aquarium. À m'enfumer la gueule, refusant tout et à croire rien. Je voulais pas voir la vérité, votre amour et votre soutien. J'étais loin de les mériter, vos tu veux des soutiens. Là je me confie, j'ai pris conscience que j'étais bête. Fis ça, refusez les conseils, ceux qui t'aiment tête. J'ai compris ça. Ouvre les yeux, décolle tes cils, incarne tes cordes, pas indécis. Tu vas devoir lever la tête, un de ces quatre, pas un de ces six. T'écarte pas de ceux qui t'aiment, c'est pas la solution de se quitter. Efface cette cécité, de ces soucis faut s'acquitter. Ouvre les yeux, décolle tes cils, incarne tes cordes, pas indécis. Tu vas devoir lever la tête, un de ces quatre, pas un de ces six. T'écarte pas de ceux qui t'aiment, c'est pas la solution de se quitter. Efface cette cécité, de ces soucis faut s'acquitter. Tu restes dans ta mère, ton quotidien, la compte ta mère. Faut que je t'insulte pour que tu comprennes, ton cas est dingue. Sors-toi de la galère, ouvre les yeux. C'est ceux qui t'aiment qui te tireront vers là-haut, vers les cieux. Rien que tu t'enfumes, tape des buzz, t'es dans le malheur. Rien que tu t'enfuis, t'as peut-être peur, mais t'es dans le mal. Prends conscience de l'entourage qui tient à toi, te voit partir en vrac et ce tourage. C'est des bons que tu ne sais pas, je crois que dans la tristesse tu te comblais. Tous ces bons que tu ne feras pas avec ceux pour qui tu comptais. Tu peux sortir de ton trou, mais tu t'enfonces de plus en plus. Te méfie pas, détends-toi sur un ton doux, je vais dire en plus. Que s'isoler ne sert à rien, s'isoler, tu ne veux plus, il faut cisailler ton vécu. Repartir à zéro, accompagné de gens de confiance. Prends en conscience que l'amour te donne des ailes. C'est même pour ça qu'on se fiance. Ceux qui t'observent te conseillent, car ton bonheur les obsède. Attachement obscène, ils seront même là à tes essais. Décolle tes cils, incarne tes cordes, pas indécis. Tu vas devoir lever la tête, un de ces quatre, pas un de ces six. T'écarte pas de ceux qui t'aiment, c'est pas la solution de se quitter. Efface cette cécité, de ces soucis faut s'acquitter. Ouvre les yeux, décolle tes cils, incarne tes cordes, pas indécis. Tu vas devoir lever la tête, un de ces quatre, pas un de ces six. T'écarte pas de ceux qui t'aiment, c'est pas la solution de se quitter. Efface cette cécité, de ces soucis faut s'acquitter. Le mal aide ceux qui t'aiment à se rendre malade. Ton mal aide fait quitter ceux qui t'aident, enchante le malheur. Je pose pour dire la vérité, pas là pour faire le gentleman. Je pense que plus devoir dériver, c'est tout ce que je demande. Je pète un plomb en vie sauvage, alors je ken dans l'âge canard. Seul l'amour nous sauvera, comme le dit Kenny Arcana. Ouvre les yeux, regarde comment t'es aimé, arrête le cana. Je vais même le dire autrement, together, yes we canna. Je sais même plus comment te le dire, évite de faire cette grosse erreur. Je trouve plus mes mots, mais je veux pas de phrases grossières. J'aimerais t'éviter de souffrir, plus qu'un grenaille et du gros sel. Ouvre les yeux, réveille-toi la grosse erreur. Rends-toi compte que t'es pas seul, même si ton cœur est scellé. Et scellé, sache leur amour est plus précieux qu'une bague de scellant. Ouvre les yeux, décolle tes cils, incarne tes cordes, pas indécis. Tu vas devoir lever la tête, un de ces quatre, pas un de ces six. T'écarte pas de ceux qui t'aiment, c'est pas la solution de se quitter. Efface cette cécité, de ces soucis faut s'acquitter. Ouvre les yeux, décolle tes cils, incarne tes cordes, pas indécis. Tu vas devoir lever la tête, un de ces quatre, pas un de ces six. T'écarte pas de ceux qui t'aiment, c'est pas la solution de se quitter. Efface cette cécité, de ces soucis faut s'acquitter. Ouvre les yeux, décolle tes cils. La carte des corps, pas indécis. Tu vas devoir lever la tête, un de ces quatre, pas un de ces six. T'écarte pas de ceux qui t'aiment, c'est pas la solution de se quitter. Efface cette cécité, de ces soucis faut s'acquitter. Ouvre les yeux, décolle tes cils, la carte des corps, pas indécis. Tu vas devoir lever la tête, un de ces quatre, pas un de ces six. T'écarte pas de ceux qui t'aiment, c'est pas la solution de se quitter. Efface cette cécité, de ces soucis faut s'acquitter.